Dieu que ça fait mal de se convertir. Peu à peu s'arracher de ce corps pour renoncer à ses désirs. Ne plus se soucier de son sort. Aimer à tort et sans travers n'est pas une partie de plaisir. Répondre à ce qui vous cloue à terre par le plus beau des sourires. Oh, Seigneur, pourquoi est-ce si dur de reconnaître que j'ai tant si tu n'aimais pas, je n'existerais pas, sûrement pas. Dans le fond, je suis un peu schizophrène et je t'aime sans t'aimer. Toutes ces ambitions qui me freine, tout c'est si je pouvais, si j'avais, si j'acceptais de lâcher prise, de ne pas craindre les souffrances.